Bon, mon petit GG, on va parler dans un instant donc de ce fameux grand moment, mais juste avant, on va parler d'autre chose. Tenez, on parlait maintenant, on peut peut-être le faire maintenant, hein? Non, j'ai vu, c'est pas la peine de le dire à l'antenne. Non, mais c'est un truc. Non. J'ai vaguement regardé. Alors donc, il est hors de question que tu passes ça à l'antenne. Juste avant. Non. Je te rends ta jambe que je l'ai retrouvée dans une poubelle. Arrêtez, commencez pas. Il est venu en bon esprit. Non, mais moi je te dis non. Mais ça, je le lis pas. Je vais dire ton casque, Gérard. Mets ton casque, Gérard. Ça, c'est sa jambe. C'est une jambe en bois de pour expliquer aux auditeurs, c'est une jambe en bois de mannequin qu'on veut lui donner parce que c'est comme il a plus sa jambe bionique, bien sûr, c'est faire. Et à chaque fois, il veut pas de cette. Alors. Non, mais ça sert à rien de le dire. J'ai vaguement vu, donc ça m'intéresse pas que tu lises ça. Mais non, mais là, je lis. En courrier, mais tu permets, Il y a une fausse signature, donc. Mais on s'en fout de la signature, je dis pas la signature. Là, je suis en train de lire le bilan et l'analyse des débats par Starsky Productions. Donc c'était sur le thème des routiers, la CBI, c'est ce que t'as fait la semaine dernière, le jeudi 31 août. Ah ouais, exact. Oui. Donc il a duré 2 heures, il y a eu 12 questions, l'animateur c'était Gérard, au standard Anne Cafuldar et à Manu, Internet Rigo, voilà, tout est précis. Alors les auditeurs participants, il y a eu Monsieur Mazur, il y a eu Martini, il y a eu Jackie, il y a eu Petit Poussin, YL, Petit Pouce, Monsieur Ricardo, Michel, Pourx, Star Turc, Michel Meignet, Gastro Liquide, Gastro Solide, Pourcy Walker, Mister Jolo, Pussy de Jéhovah, Absolute Pousca, Dev Superstar, El Château et Gomez. Il y avait pas mal de monde. Tous ces gens-là sont passés dans le débat de ça. Mais vas-y, il n'y a pas de nom de famille, il n'y a rien. Mets-toi là-bas plutôt. Viens avec moi, Phil, viens. Ça sent la rose. Non, mais de toute manière, ce qu'il faut dire, c'est que tous les noms qu'il a annoncés, ils ne sont pas passés sur l'antenne, donc t'es un menteur. Attends, je suis désolé, j'ai des fiches, et tous les noms que t'as annoncés ne sont pas passés. Déjà, Gastro Liquide et... Gastro Solide. Gastro Solide, c'était sur les thèmes de Sibi. Les Sibi, les routiers, c'est ce qu'il dit, c'est le dernier débat que t'as fait sur Sibi, les routiers. Il y a des noms qui sont pas passés sur l'antenne, d'accord? Alors, avant le débat, Gérard fait le point sur l'organisation du débat, il ordonne aux auditeurs de ne pas téléphoner d'un portable et de bien répondre aux questions qui seront posées uniquement 2 fois maxi. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, vocabulaire de Gérard. Donc, Gérard a dit, en moyenne 70 fois non, donc ça fait une fois non toutes les minutes, 63 fois ouais, 14 fois ben, 44 fois 6 fois bon ben ça y est, il a dit aussi 18 fois oh, 7 fois 7 fois bonsoir, 10 fois merci, 4 fois s'il te plaît, 6 fois ta gueule, 54 fois au revoir, ça c'est ton must, 5 fois oh là là et 8 fois je vais te dire une chose. Attention, les temps sont arrondis, d'accord? Gérard a engueulé Manu 18 fois, soit une fois toutes les 6 minutes. Anka 12 fois, soit une fois toutes les 10 minutes. Et Rigo, rien. Pas normal. Et toi? Justement, la médaille du plus grand emmerdeur du Star System revient à Fildar avec 23 engueulades avec Gérard. Donc en moyenne, Gérard a engueulé Fildar une fois toutes les 5 minutes. Ah, c'est balèze. Donc j'ai eu le cachet. Comme quoi j'étais. On fera mieux la prochaine fois, t'inquiète. Ça m'étonnerait. Faut que ça se calme, ça d'ailleurs. Donc, bilan du débat. Thème les routiers, la CBI durée 2 heures, ok. Donc, conclusion de Gérard, standard, merde. Réa, catastrophique. Internet, bien. Anka, nul. Fildar et Manu, le bordel. Reproche par Gérard, bordel complet. Reprise des auditeurs déjà passés sous un autre nom. Conclusion des auditeurs participants. Pour certains, très bien. Bonne rentrée et bon début. Pour d'autres, déjà vu, pas nouveau. Sur Internet, on termine à 9833 connectés. Oh là là, bravo, on applaudit. Voilà. Quand même, tu te souviens de ce chiffre-là, t'avais fait 9 heures. Donc, l'analyse du débat par Starsky, donc très bon débat, bon fou rire. Merci Manu pour les jingles inédits, merci Fildar pour les petits sons d'ambiance. Anka n'a rien foutu. Rien. L'air, ça changera pas. Elle se coiffe, elle dessine pendant les débats. Durant le débat, un remix de Gérard a été diffusé, merci l'équipe. Les auditeurs ont été drôles et sympas. À noter aussi une manifestation de Fildar et Manu pour que Gérard lise les sondages. Engueulade, connerie à la carte, merci Fidard d'être venu. Merci Gérard quand même pour ce moment de bonheur. Prochain débat le 22 septembre. Oui, qui portera sur les JO. Non, c'est pas le 22, c'est le 21. Le 21, ouais, sur les JO. Hein. Ouais. Donc c'est très bientôt. D'accord. On a reçu aussi un nouveau magazine qui s'appelle France Poire. Mais ça t'amuse à le lire. Et quoi, j'ai rien lu encore. Je t'ai dit qu'il fallait pas lire. J'ai interdit tout le courrier à l'antenne maintenant. Tu la fermes et c'est tout. C'est clair, net et précis. Excusez-moi, vous pouvez ouvrir les portes, j'ai les yeux qui pleurent. Arrête de Toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Vas-y, c'est toi, tu fermes ta gueule. Je lis pas le courrier, je lis seulement les petites annonces qui sont dans le magazine. J'ai le droit à ça. Alors vas-y, c'est pas personnel, c'est bon, pour voir si les mecs vont trop loin. Oui. Parce que ça reprend comme avant et Gérard commence à en avoir ras-le-bol, il va y avoir des ultimatums. Vas-y. Alors, la visite touristique de Paris ne passera pas par le pont de l'Alma cette année. Un couple dont la femme est d'une forte corpulence est passé par là. La femme est coincée entre deux pylônes et une forte odeur d'alcool remplit la zone dans un rayon de 180 mètres. Sanglier mystère encore. Cette même odeur se retrouve parfois au relais Carnot, dans les toilettes de la loco, à Suresnes et au foyer. Je conseille donc à toute personne vivant sur les lieux d'évacuer le plus rapidement possible. Le responsable, une autre petite annonce, le responsable du centre de désintox des Alpes a décidé de céder son établissement suite à une déprime. Il aurait pris cette décision après le séjour d'un cas désespéré venant du 80 plus. Ah mais non ! Oh putain, c'est pas vrai, c'était même pas tes courriers ça. C'est chiant. Bon, dernière annonce. La gendarmerie de Suresnes recherche activement un couple d'exhibitionnistes qui arpentent les rues de Suresnes en montrant leurs attributs. C'est pas grave de montrer ses couilles, j'y reviens. Ah, enfin, ceci dit, te demande d'arrêter aussi. Mais attends, en plus, l'homme pourrait bénéficier de circonstances atténuantes pour cause de petites queues. Mais ça Oh putain, la BD sur l'image. T'es nul. Gildard, présente tes excuses tout de suite. Ah, mais je m'excuse pour les gens qui ont fait ça. C'est quoi ça, ce que t'as dans la. Non, mais c'est quoi? Et tu l'avais pas. C'est des vieux trucs qu'on a en photocopie. C'était fait pour. Voilà, donc. Là, faut tout planquer parce qu'il est en train de tout déchirer là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, Gérard? Attends, il est en train de faire. Mais il a raison de foutre à la poubelle, ça va trop loin. Mais ce qui est bien, c'est qu'il le fait pas chez lui, mais il le fait ici, c'est déjà ça. Il a pas chez lui d'un autre côté, donc. Bah, tu sais, la pochette, tu peux la déchirer, on s'en fout, on en fait une. Manu, tu me donneras ce que t'as là-bas, ça va pas pu. Pardon? Ça lui appartient pas, ça vous appartient pas. Tu me donnes ça. Attends, il y a ça, mettez à la poubelle aussi. C'est quoi? J'ai rien! Finard, prends les fléchettes quand même. D'accord, moi tu vas voir, je vais le donner aux avocats. Ouais, mais de toute façon, c'est pour porter peinte, hein. Ah, non, c'est clair! On va porter peinte. Alors. C'est lui qui est peinte, peinté. Il y a des trucs hein, que j'ai pas lu, c'était perso. Il y avait des noms, alors j'avais rien fait moi. Qu'est-ce que c'est que ça, FG? Attends, il y a des. Attendez. Oui, il y a des nouveaux magazines. Non, c'est une note interne de Fun, c'est Victor qui l'a fait. Non, ce que j'aime pas du tout, c'est que les auditeurs utilisent le logo de Fun Radio. Bah ouais, carrément. Ça, c'est illégal, hein, Gérard. Non, mais moi, de manière, c'est simple, 21, il n'y a pas de débat, c'est tout. Non, mais si. Non, il n'y a pas de débat tant que ça continue. Non, mais ça va s'arrêter. À mon avis, pour l'instant, ça recommence, donc c'est terminé, donc c'est niette pour le 21, c'est tout terminé. Non, mais dis pas ça. Terminé. C'est pas ça pour moi. Terminé, c'est tout. Bah arrête de dire des bêtises. Le branleur qui s'amuse à personne, qui arrête tout de suite, c'est tout. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Et toi, Fildar, con comme t'es, tu ferais mieux pas de le lire à l'antenne. Bravo. C'est tout. Mais il n'y a pas eu de nom de famille, il n'y a rien eu. Même. T'as pas à lire le courrier comme ça à l'antenne, il t'appartient pas. C'est tout. C'est des petites annonces, ça te concerne pas. Ouais, enfin, même. Attends, je suis désolé, là, quand tu vois, par exemple, qu'il y a un catalogue officiel de FG. Ouais. Entrée 2000. GG D'Agostino. Ah, c'est le remix. Ouais, attends, on va rigoler là. Bah ouais. C'est quoi, t'es un blague là? Je crois que personne n'a encore compris dans l'équipe que quelqu'un avait envoyé un CD que personne n'a fait écouter. Ah bah, on va rigoler. C'est vrai, Phil. C'est vraiment pas un pote, un frère, un cousin. Gérard est parti récupérer un CD. Donc, GG D'Agostino, les zoophiles du 15e break. GG avec George Michael, Fuck Me Up Before You Go. Fuck Me Up Before You Go. Françoise, dans un instant, on revient avec toi. Tu bouges pas, ma chérie? Non, ça va. Merci d'être avec nous. Ne bougez surtout pas. Attention, le dernier quart d'heure va être très très chaud. Et attention, entre minuit et une heure, vous entendrez un vrai moment de Radio Libre qui avait été fait en 97 avec Françoise et Gérard. Et Gérard qui est en train de me montrer en ce moment un CD. Il sort sa jambe. Il est énervé là, hein. Il est tout rouge. Oh putain. Ça serait pas eu de mort.